En 2025, Fadjet fête ses 40 ans. Hey, bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le doc, je me devais d'être là pour les 40 ans de Fadjet. Ça fait pas longtemps que je suis dans la boutique, on va dire, ça fait 3 ans, mais ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et en plus de boucler ce premier tour de cadran, on va dire, j'attaque la 23e heure pour aller jusqu'à la 24e. On va la passer ensemble avec du disco, du funk, des choses qui vont vous rappeler forcément des souvenirs. Et bien sûr, il y a 40 ans, qu'est-ce qu'on écoutait? Eh bien, on va faire un petit peu de flashback. Ah, c'est bon ça, c'est Mike au micro jusqu'à 20h avec Fred. Allez, flashback! Dr Disco et Mr Funk. Yes! quel souvenir. Quel souvenir. Qui ne connaît pas Imagination? On a tous C'est un groupe de joie avec Juice Ellison et Flashback là. En plus on s'est fait plaisir. On a fait une version remixée pour les 40 ans de la radio. Pour les 40 ans de la radio. Il est 19h08 en direct sur Fadjet. Ma première émission en direct. Un peu de pression, mais ça Je suis là, t'inquiète pas pour ta connaissance. Et en plus on est en direct sur Fadjet 94.9, Fadjet on dit pas plus. Et même sur Nancy. Et même sur Fadjet sous la radio. Sur la radio, on est partout. On est partout, même sur Internet. Ce week-end, on est partout. Et la preuve, pour ceux qui ont loupé l'événement, regardez. C'est, écoutez, c'est juste pour vous, c'est cadeau. 40 ans de Fadjet, 40 ans de hit. Ah ben oui, 40 ans de Fadjet, c'est ça. Même si mon émission est plutôt rétro, mais moi j'aime bien le funk, la disco, et puis faire découvrir des trucs. J'ai donc fait plein de choses pendant cette... D'ailleurs, pour les personnes qui ne te connaissent pas, Fred, tu passes quel jour la radio de Je passe le samedi, tous les samedis à 19h. Ça tombe bien. Actuellement, c'est en direct, 19h09, je peux vous le dire. Et c'est une émission disco, enfin qu'on découvre plein de trucs, des trucs connus. Ouais. Michael Jackson, Prince, comme des trucs inconnus, boule noire, un peu que pour les. Ah, mais d'amour, on la passera tout à l'heure. Ça, c'est cadeau, c'est vraiment sous la. Oui, c'est pas sûr. Du Village People, mais pas que YMCA. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ils passeront, mais pas YMCA. Vous allez voir. J'ai eu par contre, tu allais passer peut-être du Alexandra. Alexandra, ça veut dire parce que ma compagne, la femme, elle est à côté et elle s'appelle Alexandra. Donc on pourra faire du on fera la dédicace de la chanson. Bah voilà, exactement. Alors, donc on t'écoute, Fred. En 1985, moi j'avais 11 ans. S'imaginer. Bon, j'habitais à la campagne. On n'avait pas trop la FM, on n'écoutait pas trop la radio. Fadjet, ça ne s'était pas connu. Moi, j'ai connu la radio par hasard, par un ami qui faisait une émission. Il m'a dit, viens faire une pige, fais une émission. Il voulait que je fasse une émission sur l'histoire et tout ça. C'est une grande passion chez moi. Et puis, le funk et le disco, j'aime bien. Franchement, je me suis dit, pourquoi pas faire découvrir des choses. Et puis, je me suis lancé. Et puis, tout le monde m'a accueilli à bras ouverts à Fadjet. C'est une grande famille, franchement. Si vous voulez passer le pas, faites-le. Allez-y, faites-vous plaisir. Franchement, on n'est jamais tout seul. Moi, je remercie Yves, Jean-Luc, Fabienne, tout le monde. Franchement, je ne regretterai jamais d'être venu. Et ça fait 3 ans que je suis là. J'en entends parler des 40 ans depuis 3 ans. Et je devais d'être là. Je voulais absolument être là. Mais c'est important. Et ce soir, je suis là. Et pour vous dire qu'en 1985, qu'est-ce qu'on écoutait? Alors, j'ai pas écouté Fadjet en 85 à la création, mais je suis sûr qu'on a passé ce morceau. C'est Billy Ocean, Loverboy. C'était numéro 1 partout. Ah oui, c'est obligatoire. Tu t'en rappelles? Ah bien sûr. Allez, on s'en paye une tranche. Alors, on y va, c'est parti, calo. Allez. Ah, vous êtes bien sur 94.2 au DAB+, sur Internet, mais sur Facebook. Sur Fadjet, tu dis quoi? En vidéo, regardez, vous voyez petit Fred, vous voyez petit Mike, c'est moi. Voilà. Et là, allez, c'est parti, du numéro 11. On change pas. We'll be right back. 85, Bill Ocean avec Love Boy, c'est ça mon cher? C'est ça mon cher, en direct avec le Dog Disco et son assistant Mr. Funk, yes. Sur 94.2 pour les 40 heures de Fadjet. Eh oui. Nous on boucle la première journée 23-24 heures. Exactement. Grosse et pression. Et si vous voulez pas le son, vous avez l'image, vous êtes pour voilà, Fadjet, Radio Fadjet officiel sur Facebook, vous avez la vidéo. Voilà. On s'est maquillé pour la peine, on s'est fait beau, on s'est fait beau gosse. Hein. On a tout fait ce qu'il fallait. Il est quand même 19h15 sur Fadjet. C'est ça, parti. Ça passe un petit quart d'heure. Ah bah oui déjà. Donc, allez. Billy Ocean, je pense que ça a rappelé les souvenirs à tout le monde. Bien sûr. Même si c'était pas la plus connue. Mais quand même, on l'a aimé. Mais quand même. Alors, Fadjet, pour moi, c'est quoi? C'est convivial, je trouve, quand même. C'est une émission où tout le monde t'accueille. Oui, c'est ça. On se prend pas la tête, on n'est pas en train de réfléchir à des choses. On veut vous détendre, les auditeurs, et on n'existerait pas sans vous. Et c'est franchement, c'est un vrai plaisir de trouver des morceaux qui vont faire mouche, pour ma part. Oui. Qui vont vous dire, ah, ça me rappelle ça, ça me rappelle ça. C'est ça. Et puis des morceaux qui vont vous dire, bah, c'est qui celui-là? Je l'ai jamais entendu. C'est ça, hein. Je pense que le prochain, ça va être le cas. Ah, ah. Si je dis à tout le monde, Village People, qu'est-ce que tu vas me dire, Mr. Funk? Ah, ça va dire YMCA. Voilà, YMCA, mais tout le monde connaît YMCA. Oui. Et In the Navy aussi. Ah oui, In the Navy. Voilà, donc ça, tout le monde a chanté, tout le monde a dansé, tout le monde a choré. Mais Village People, c'est pas... D'ailleurs, ils vont débarquer à son tout le monde. Oui, à 20h apparemment, ils débarquent. Moi, je suis à 21h, mais bon, ça passe. Vous pouvez venir quand vous voulez, c'est porte-vue. Bah oui, c'est en direct, en vidéo. En direct, en vidéo, ça fait plaisir. Du coup, moi, je voulais, à travers une chanson de Village People, remercier aussi Fadjet et leur montrer ce que c'est. La chanson, c'est I Wanna Shake Your Hand, je veux serrer ta main. Pourquoi? Ça veut dire que t'es le bienvenu ici. Mais oui, c'est ça. Et un son bien disco, à mon avis, tu l'as jamais entendu celle-là. Non, c'est vrai. Je l'ai passé une ou deux fois dans mes émissions. Ouais, c'est vrai que je l'ai écouté une fois, mais c'est vrai que c'est une chanson qui n'est pas forcément connue du grand public. Alors, ce que je propose, il est 19h17, et ben, on la passe et on en reparle après. Ouais, c'est parti. Et c'est cadeau, on va juste taper avant un lol jingle pour fêter qu'on l'a passé 40 ans. Quand bien même. Sûr, quel mais gars, 40 ans, allez, c'est cadeau. Fadjet, 40 ans de musique, d'actu locale et de bonne humeur. Allez, souvenir. Allez, va, c'est va. Parti. On fait un peu du bruit, hein. C'est pas direct, on en direct. Jusqu'à c'est génial, je ne connaissais pas Fred et Fredo. Tu vois, ça bouge bien, c'est le bon son. Ça bouge bien, c'est bien. Pour un samedi soir, alors l'apéro, ça bat bien. Ouais, franchement, ça commence doucement à chauffer la soirée, il faut pas aller trop vite quand même. Ah bah non, on va aller crescendo. Parce que tout à l'heure, je suis en 21h, je vais tout bouger. Voilà, c'est même pas la peine. Et il nous reste encore une bonne grosse demi-heure. Ah oui. 19h21, sur Fredjet. Ah oui. En direct, comme toujours. Tout à fait. Coucou. Enfin, coucou à la caméra, ça ferait bien un coucou. Voilà, coucou. Voilà, Fred est là. Fred est là derrière, moi je suis là. Mr. Disco en face, ouais. Mr. Funk en face. Mr. Funk. Ça c'est bien, c'est Mr. Funk qui est bien. Tout à l'heure on aura Mr. Mitsu qui est un animateur d'énergie des années 80. Ouais. Il sera là avec nous. Enfin, il sera bon, nous, on attendra Mitsu. Allez, c'est parti, on enchaîne avec un jingle et après on parlera d'un autre artiste que tu aimes bien également, qu'on a tous côtoyé au moins une fois. Fadjet, 40 ans de proximité. Oui, c'est qui? Ah, c'est les Commodores. Et les Commodores, tout le monde connaît. Ah oui. Bah, la chanson la plus connue, c'est Night Shift. Et bah, l'histoire de la chanson-là, tu la connais? Ah oui. Non, tu vas me le dire, j'aime bien quand tu parles, mais ça toi. Il y a Lionel Richie qui, à un moment donné, en a un peu marre. Il lui dit, moi, je vais faire une carrière solo. Donc il dit, je vais quitter le groupe des Commodores. Tu as dit comment? Lionel Richie. Non, on dit Lionel Richie. Lionel, oui, si tu veux. Mais online pour les puristes. Lionel Richie. Pour les puristes, il veut quitter le groupe pour lancer sa carrière solo. Ouais. Donc il y va, hein, avec sa petite musette et tout ça, comme on dit chez nous. Ça. Et les Commodores, ils réfléchissent. Et un truc qui sort, Marvin Gaye est mort, Jackie Wilson aussi. Pourquoi on ne ferait pas un titre qui leur rendrait hommage? Bah oui, ni une ni deux, ils réfléchissent, ils écrivent, ça donne Night Shift. Vous verrez, cette chanson, elle est très très poignante. Et en plus, c'est un des derniers numéro un des Commodores. Et c'est surtout une grosse gifle à Lionel Richie qui est parti avant la gloire des Commodores. Bon, ça sera leur dernier succès. Ils en ont refait un autre pour Michael Jackson. Ouais. Je trouve qu'il est moins bien que l'original. Après, il a fait la carrière solo qu'on connaît, notamment. Oui, il a fait une grande carrière, une belle carrière aussi. Moi, j'aime bien aussi Lionel Richie, mais je me dis, il aurait dû partir un an plus tard. Donc, c'était quand même en 85, Night Shift. Et je te propose qu'on l'écoute ensemble. Ah, bien sûr. Avec le grand frisson de Fadjet, bien sûr. À 19h23, on écoute Night Shift et Commodore, Lionel Richie. Allez, c'est parti. Bonne soirée à tous. Et bien sur Fadjet 94.2 DAB+, même sur Fadjet officiel, sur Facebook. C'est le cas des 40 heures. À l'émission, Mister. Disco. Disco est avec nous jusqu'à 20h. Oh, on a Night Shift. Came in. Le samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Ah, c'est beau, Commodore. Lionel Richie, Night Ship, c'est beau. C'est, ça donne des frissons. Ah oui, c'est vrai, j'en ai. 19h27. T'imagines, on a déjà mangé une demi-heure de notre émission. Ah, non, mais ça passe vite la radio. Quand tu fais la radio, c'est incroyable. C'est incroyable. On devrait faire 40 heures, mais on a. Mais oui, on les fait les 40 heures, mais on fait pas tous 40 heures. Ouais, 40 heures. Non, c'est vrai, la semaine. Le week-end serait long. C'est ça. Alors, on avait branché pour faire aussi une émission sur l'histoire. J'adore l'histoire. Bah oui, mais après, c'est. C'est long à écrire et tout. Mais je me suis un peu vengé. Oui, parce que je me suis dit, si je ne vais pas à l'histoire, l'histoire va venir à moi. C'est ça. Et j'ai regardé, et il y a un titre que tout le monde connaît. Oui. Franchement, il y a même une personne que tout le monde connaît, enfin beaucoup, c'est Rasputin. Ah oui. Ça, tu le connais, Rasputin. C'est historique, historique. C'est historique, voilà. Il est un monstre, on va dire. Un monstre, une force de la nature, tout ce qu'on veut. Ouais, c'est ça. Voilà. Et qui c'est qui a chanté Rasputin? Le fameux Bonnet M. Ah, c'est un bonnet avec un M. Voilà, bonnet avec un M. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chanteur ne l'a jamais chanté. Non. Il était juste là parce qu'il dansait bien. Oui, et parce qu'il passait il bien. Il avait une prestance sur scène. Ça. C'était Bobby Farrell, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Et bon, il est décédé il y a quelques temps. Malheureusement, et franchement, regardez le clip Rasputin. Vous voyez, il a une grande chapka. Mais Peña, mais Bonnet M, c'était un groupe qui faisait beaucoup danser. Avec Oliver the Babylon, Rasputin. Sonny, c'est ma Sonny, préférée. Sonny, oui, c'est ça. Et tu sais que pour l'anecdote, j'étais tout petit. Là, je suis déjà pas grand. Enfin, si, je suis quand même grand, mais. Oh, t'es pas plus grand que moi, on va dire. Non, c'est vrai. Ah, si, on est pareil. On est. Et du coup, comment? Je les ai vus à Metz, à la fête de la Mirabelle, avec mes parents. Ils me traînaient quand j'étais petit. Ils me disaient, oh là là là là. Et finalement, on y allait une année. Ouais. Et c'était Bonnet M. Je les ai vus à quoi? Aller à 20 mètres. Ça, c'est beau. Ça doit souvenir mémorable parce que. J'ai même vu Michael Jackson. Oh non. Est-ce que t'as fait le moonwalk? Ah non, je n'ai pas fait le moonwalk. Non, mais est-ce que lui, il l'a fait devant toi? Oui, il l'a fait. Je l'ai vu. Et franchement, c'est quelque chose. On s'éloigne, mais il est quand même 19h30. Oui. Il va falloir un peu enchaîner sur Rasputin. Allez. Hein, allez. Bon, on n'oublie pas avant. 94-2, Fadjet. Les 40 ans. Les 40 ans de qui? De Fadjet. Et gars, c'est là. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Oh, c'est beau ça. Allez, on tape dans les mains. On y va. Allez, poussez les tables. Même, il y a du monde dans le studio, il y a du monde partout. On tape tout dans les mains, même ceux qui sont en bas, on tape dans les mains, on tape dans les cuirs, fait du bruit. On est dans le 19h30 sur Fadjet dans le cadre des 40 heures. Hey, hey. We'll be right back. his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Allez! Ah, c'est vous qui êtes seigneur. Franchement, ça. Bonhomme, ça veut l'envie de danser. Bah, c'est ça, hein? Pousser les tables. Et... Mr. Funk, il danse tout le temps, toute l'année. Chaque samedi, de 19h à 20h, vous écoutez Mr. Funk, vous allez danser. Et pas que pour les 40 ans. Ah, bah, bien sûr, toute l'année. Vous l'écoutez samedi, 19h à 20h, même en podcast, vous avez loupé l'heure. Enfin, pour Pipouron, voilà. Vous avez le podcast qu'après, vous évitez. N'hésitez pas. 3 ans qu'on est là, quand même. Hein. Quand même, ça fait bientôt 10 ans, mon ami. Ah, en 2016, ça fera, en 2026, ça fera 10 ans. Bon, bon. On s'installe, on va s'installer doucement. Bah oui, c'est ça. Et c'est beau, vous êtes sur Fadjet, on fête les 40 ans. On en direct sur 94.2 Fadjet.net, on débat plus, et même sur Internet, sur Fadjet officiel. Vous êtes toujours là, hein. Vous n'avez pas cassé des meubles bah ou quoi non, que ce soit. Bah non, temps, c'est pas fini. Hein, non, c'est pas fini, parce que là, on a commencé à chauffer, là. On est comme un peu chaud, quand même. Ah oui, c'est l'apéro. Ce qui va arriver après, ça va être la razzia, on va dire. À 19h34, attention, on est dans la dernière demi-heure. Là, on commence à entamer une descente grave, là. Allez. Alors, tu sais, je veux pas passer que de l'anglo-saxon, parce que même si j'aime bien tout, je dis, on a quand même des trucs sympas en France. On a fait quand même des trucs bien en disco, en funk. Et pour moi, le disco français, le monsieur disco, c'est Clo-Clo. C'est Clo-Clo, ah bah. Franchement. Tu vas dans toutes les soirées, il est quand même mort il y a plus de 40 ans. Tu sais pourquoi il est décédé? Parce qu'il s'est électrocuté. C'est une panne d'ampoule, panne de lumière. Oui, voilà, c'est ça. Il travaillait pas pour EDF en temps l'époque. Hein, mais bon. Non, mais non, les blagues à part, mais c'est vrai que Claude François, c'est. Je te dis, cette chanson-là, elle passe dans tous les mariages, toutes les communions. Tu vois, même en boîte de nuit, je suis sûr qu'il la passe, moi, à mon époque. Et si tu peux me permettre, mon cher Mister. Tu vas faire une dédicace. Oui, parce qu'il y a ma compagne qui est à côté qui vient arrêter alors à 21h avec tonton Pascal, qui est le Père Noël de l'Univille, qui sera là à 21h avec tout à l'heure. Elle est à côté, donc elle nous écoute, parce que tout est diffusé dans tout le temps. On vous dit, c'est les quiz, 40 ans, en direct. Et oui, il n'y a pas de trucage, c'est en direct. Et Alexandra, c'est la chanson préférée de ma chérie. Oh, bah, elle s'appelle Alexandrie ou elle s'appelle Alexandra? Elle s'appelle Alexandra. Bah, elle n'est pas née Alexandrie. Non, elle n'est pas née Alexandrie, elle est née à Lunéville. Ah, c'était pas loin. C'est pas vrai. À quelques kilomètres près. Moi, je te propose de mesurer tout ça, de passer Alexandrie, Alexandra, puis on y réfléchit après. Oui, on en parle après. 19h35, c'est parti. Regarde, écoutez, allez, c'est parti, on danse, on met de l'ambiance. On est sur Fadjet 94.2, Fadjet. Pour les 40 ans et sur Fadjet, Radio Fadjet officielle sur Facebook. Allez, parquet sous les nids. Voile sur les filles, parquet sur le Nil. Je suis dans ta vie. Je suis dans tes bras, Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Oh, ta vie. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ou Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Allez, mon aimant, on y va. Allez, on touche et on y va. Et sirène d'une part d'Alexandrie, chante encore la même mélodie. Oh, la sirène d'une part d'Alexandrie, les naufragés, le marillon de ma jeunesse. Ah 40 ans, Fadjet. Ça s'oublie pas. Aïe. Aïe sur le fil. Et vous écoutez Fadjet. Avec Mister Fin jusqua 20h, c'est Fadjet. Allez, disco, disco. C'est bien, Mister Fin, ça va bien. Oui, toi, Mister Fin. On n'aime pas ça dedans, à 19h39, on l'écoute. Là, franchement, on est on fire. Mais du coup. Ah oui, dis-moi, du coup. On va quand même un petit peu se calmer parce qu'on n'arrivera pas à tenir jusqu'à 20h. Hein. Oui, c'est dans 20 minutes. Parce que vous prochaine jusqu'à 22h, c'est ça. Comme dirait. Du coup, tu sais que j'ai fait aussi des découvertes dans notre émission. Toi, tu connais ce qui va arriver. Ça, c'est pas du jeu. Mais attends, on va se faire. Juste un jingle, t'es 9h40. Parce que jingle, c'est parti. Aïe. Fadjet, 40 ans de musique, d'infos et de bonne humeur. Oui, c'est des morceaux que je connais, effectivement. Ah, tu connais. Alors, le prochain, ça s'appelle Boule Noire. Tu vas me dire pourquoi Boule Noire, ça a rapport avec le billard, le flipper. Oui, le flipper, oui, c'est ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est un artiste québécois. Du Québec, du Canada, si on veut. Ouais. Chante en français. Et moi, j'ai trouvé super ce morceau. C'est un beau texte. Aimé d'amour. Et si tu. Alors, ouais. C'est une surprise pour personne. Mes émissions sont enregistrées. C'est vrai. Aujourd'hui, on est en direct. Ah, regarde, on fait coucou. Après, on fait direct, coucou. Voilà. Il est là. C'est vrai, c'est pas le vrai. J'ai trouvé une pépite de lui. C'est Aimes-tu la vie comme moi. Je vous conseille de l'écouter. C'est un super morceau. J'adore ce morceau-là. J'adore ce morceau-là. Donc, ce que je te propose. Oui. On est tous amoureux. Oui. On aime d'amour. Bah oui. Donc Boule Noire, il s'est dit, je vais faire aimer d'amour et tac. Et je vais faire le mec rabat-joie parce que c'est encore le morceau préféré de ma chérie. Hein. Mais ta chérie aime tous les morceaux. Mais oui. Bah c'est pour ça c'est qu'elle est. Une bonne cliente à mon émission alors. Oui, c'est ça. Puis en plus, elle aime l'animateur. On peut pas. Même moi, hein, pas toi. Hein. Ah bah, j'espère pour toi. Ça serait dommage. Et voici. Donc... Bon, on aime d'amour et on aime Boule Noire. Allez, c'est parti. Les 40 ans de Fadjet, Boule Noire quand même. C'est aimé d'amour. Mais boule... mais non, et on aime d'amour Fadjet. Nous, c'est Fadjet, c'est Boule Rouge et c'est l'aimé d'amour. Voilà, aimé d'amour Fadjet. C'est parti. Aimé d'amour. À 19h41, on se pose un petit peu, on est bien. Ouh. À 20h, ce sera le Père Guy. À 21h, ce sera la musique dans le temps avec moi-même. On dirait, j'ai 7 sur moi. Ah ouais, c'est parti. Après 20h, vous retrouvez Valentin avec Père Guy qui prendra le relais des 40 ans. Prenez bien. 94.2, Fadjet.net, même son. Radio Fadjet officiel sur Facebook. Hey. Tout ce que j'attends, tu me sens. c'est leur morceau Boule Noire avec Hey Médamour. Oh là là, nous avons le photographe qu'on dirait que le directeur c'est de la c'est quand même un sacré morceau ça. Ah oui, c'est bon, c'était bon, j'adorais. Ah, j'adorais. Bon. Ouais, allez, oui. On est un peu on fire là, donc je te propose un peu de se relaxer, de redescendre d'un cran. Oui. Parce que franchement. Oui. On n'arrivera pas jusqu'à 20h. On va faire un AVC ou je sais pas ce qu'on va faire, mais on va le faire quand même. On va même. Savoir, je tire la canon jusqu'à au moins. Oula. Oula. Ouh, il n'y a pas d'or. Hein. Alors, je te propose. Oui, dis-moi, propose-moi. 40 ans, Fadjet, on va bientôt finir les 24 heures. Là, on va être aux 24 heures quand on a fini, oui. Dans un quart d'heure. Après, c'est la 25e heure. Après, c'est la 25e heure, 26, voilà, on s'est compté. Et t'en as toute la nuit après. Voilà. Il y a George Benson qui t'a écrit une belle chanson là-dessus. Donne-moi la nuit. Toi, je pense que tu vas commencer à 21h, donc tu commences la nuit quelque part. Tout à fait. Et puis aimer d'amour, on aime Fadjet d'amour. Ah bah jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Donc. Mais Fadjet, ça fait 40 ans que je l'écoute. Hein. 40 ans que tu écoutes, 40 ans que t'es là, quoi. Bah bien sûr. Voilà, comme Yves. Moi je suis comme le directeur de la programmation, ça fait 40 ans que je suis là. On voilà. Remercie encore Yves, on va lui donner merci, la nuit. Merci, voilà. Hein. On peut applaudir Yves. On peut applaudir Yves, parce que pour ceux qui ont vu sur la vidéo, Yves c'est le directeur des programmes et il est important parce que c'est lui qui gère la programmation musicale. Bah oui, sans lui, il n'y a pas de programmation. Et on lui montre des fois des titres et des fois il transpire pour qu'on puisse caler le titre et c'est un grand hommage qu'on lui donne à Yves également. Je vous conseille. Voilà. Donc du coup on fait un tour chez George Benson. Et bien on y va avec Allez, Give c'est Light. Parti du bon funk. Ouais c'est bon. Ah c'est bon ça, 19h46 sur les mains. Ça c'est bon. Ah c'est l'heure. Hey Give it a night. Hey Mr. Disco jusqu'à 20h. Ah oui, c'est du bas. Je me souviens des soirs au dernier sou, quand ça passait, il y avait tout le monde qui était dedans. Ah, pour ceux qui ont connu le dernier sou, naturellement, c'est avant là, mais c'est notre époque. New York, le Majestic. Ah là là, ça c'est l'époque. C'était toute notre jeunesse, on passait pour des vieux après. Mais c'est de... Oui, c'est ça, pour notre génération. 19h49, t'es avec moi. Mais ça peut dire qu'on aurait dû prendre 3 heures. C'est ça, mais t'as pas voulu 3 heures. C'est ça, je me rappelle, t'avais demandé 3 heures. 3 heures, mais on m'a refusé, tu sais, restrictions budgétaires. C'est ça, il y a un budget, il faut pas les respecter. culture du gars, ouais, c'est ça. Et il y a l'heure des dédicaces. Donc, dédicaces, j'oublie toujours tout le monde, moi. Donc, voilà, je vais pas m'embêter. Je dédicace mes émissions et tout à tout le personnel de Fadjet et à tous ceux qui me connaissent, à tous nos auditeurs, à tout le monde, quoi. Bah oui. On n'oublie personne, là, on est en tout. Bah non, la technique, c'est la direction. La direction. Bah, ils vont la remercier tout à l'heure, on l'a remercié. Valentin, qui fait aussi la technique. Qui va revenir d'ailleurs à partir de 20h pour reprendre le relais technique. On a tellement dépensé d'énergie en une heure que c'est pas la peine. Avec le Pergui qui va venir à partir de 20h, puis moi, je reprends le relais à 21h directement. Après, il y aura du mix. Bref, vous avez. Restez sur Fadjet, Du coup, je te propose, parce que c'est quand même une nuit à ne pas oublier, quoi. Bah les 40 ans. Et il y a Chalamar qui était précurseur, apparemment. Oui, quand ils ont écrit A Night to Remember, ils ont pensé aux 40 ans de Fadjet. C'est ça. Mais ils savaient qu'on allait faire 40 ans. J'avais reçu un message dans la semaine dernière. De Chalamar qui t'a dit voilà, la chanson est pour vous, il faut la passer. Il faut la passer. Et si on la passait pas, c'était pas bien. Bah, on va la passer. Bah, on y va. Allez, c'est parti, Chalamar. À 19h50, on est sur la meilleure des radios, on change pas. Chalamar. Le samedi, c'est apéro disco sur Fadjet. C'est bon, du bon son. Samedi soir, c'est bon. Un petit message peut-être. Oui, vas-y. Bah, à passer. Oui. Ah, on se fait pas un petit jingle là. Bah si, on se. C'est parti. On l'oublie pas que c'est 40 ans. Oui, c'est bah il faut pas l'oublier. Donc c'est pas tous les jours. Non. Allez, c'est cadeau. Allez. Fadjet, 40 ans au service des acteurs locaux. Alors, on va bientôt arriver au terme de notre émission. T'as vu comment l'heure est passée vite? Mais ça passe. J'ai l'impression qu'on nous a piqué du temps. Mais c'est ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas non plus. Bon. Alors, par contre, j'ai un souci. J'avais appelé Steve Wonder. Ah. Il devait venir ce soir. Et puis, il est pas. Le problème, c'est qu'il y a une grosse tempête. Son avion, il a pas pu la prendre et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait des problèmes de météo du côté de Los Angeles. Ouais, voilà. Donc, il m'a dit écoute, je suis bien embêté. Ouais. Je voulais vivre aux 40 ans de Fadjet. Je vais vous faire une chanson. Et la chanson, elle s'appelle Happy Birthday. Tout ça tombe bien. Ah oui, c'est l'anniversaire. Franchement. Je me suis dit, écoute, Stevie, c'est bon, tu peux nous la donner. Allez, thank you, Stevie. Ok. Thank you. Alors, par contre, on va remercier tout le monde, comme on l'a déjà fait. Mm-hmm. Et je te remercie, Mr. Funk, d'avoir fait la technique avec moi. C'était très sympa. Ah, merci à toi. Ça me fait plaisir, parce que franchement, on se connaissait pas, on se croisait à la radio. C'est ça, Fabien. C'était fait sous Kiwi, on l'a dit. Voilà, hop, le feeling, on a rien préparé, rien du tout. Et puis ça va bien. Et puis voilà. Et puis j'ai envie de te dire, on va terminer avec Simon Deux, Happy Birthday. Ah ouais, c'est ça. Et pour les plus anciens comme moi qui ont connu et comme toi, ouais, tu te rappelles Guillon Citron? Hey. Et il disait, bon bah écoutez, on va rendre l'antenne. Guilis, à vous les studios. J'ai cassé vous, mes lunettes. À vous Cognac G. Donc là, c'est pas à vous Cognac G, c'est à vous Fadjet G. Ouais, bon anniversaire Fadjet, 40 ans, ça se fête. Et on vous dit Happy Birthday de la part de notre ami Stevie Wonder. Ouais, c'est parti, c'est parti. Au revoir, bye bye. Bye bye, bye, bye. Ciao. Hold it in, say it loud as you can. Happy birthday to you. all of the hearts of people.